Chapitre 29e, le premier amour. La conversion de Gunhild était le thème de toutes les conversations, à la cour et à la ville. La vraie foi était aux yeux de tous, même pour ceux dont les actes étaient en contradiction avec elle, un trésor inappréciable. Il fallait être bien invétéré dans le vice pour ne pas partager cette opinion. Et alors on était aussi indifférent pour la vraie foi qu'on l'était pour le polythéisme, pour l'arianisme, et en général pour toutes les formes quelconques de religion. Mais c'était le très petit nombre qui descendait à ce degré d'abrutissement. Eugraphia elle-même salua cet événement avec joie, comme il convenait à une bonne catholique, elle se croyait telle, car elle était fermement attachée aux maximes de la foi, elle oubliait seulement de remplir les devoirs que cette foi impose. Il n'en était pas de même d'Eugénius. Son âme, épuisée par les jouissances du monde, toujours courbée sous l'orage des passions changeantes, n'était plus en état de considérer, et encore moins d'aimer la vraie foi comme le bien suprême. Il ne vit dans la résolution de Gunhild qu'un abîme infranchissable creusé entre elle et lui. Voyant qu'à ce moment même elle abandonnait l'arianisme, il perdit l'espoir qu'il avait fondé sur l'apostasie. Jamais il n'avait connu d'autre passion que celle qui cherchait à se satisfaire dans les sphères inférieures. Comme si le sentiment qui dans l'homme se révolte contre l'abaissement personnel eût voulu se venger, il tomba dans une passion violente dont une volonté fortifiée par la grâce eût pu seule triompher. Pour Eugénius, cette passion n'était pas seulement inquiète, elle était encore insurmontable. Comme on devait s'y attendre, elle le porta à la haine contre tout ce qui lui faisait obstacle. Cette haine s'attaquait surtout à l'Église catholique. Chrysostome en était le représentant. Sans le moindre fondement, Eugénius regarda Chrysostome comme l'auteur de la conversion de Gunhild. Personne ne sachant la vérité sur ce point, puisque Gunhild ne l'avait confié qu'au patriarche et à Olympia, personne ne pouvait donc apprendre à Eugénius le véritable état des choses. Cela le plaça dans les dispositions les plus convenables pour travailler contre le patriarche. L'archiprêtre de Constantinople, Arsas, était frère de Nectaire et conséquemment cousin de Graphia et oncle d'Eugénius. C'était un vieillard très âgé et débile, entièrement gouverné par Eugraphia et naturellement tout dévoué au parti de Théophile. Eugénius s'attacha étroitement à lui, l'accompagna à l'assemblée du chêne et appuya ses plaintes contre Chrysostome qu'il accusait de vouloir opérer par des moyens violents et arbitraires la réforme du clergé. Pendant les délibérations du prétendu concile, il voyagea continuellement de Constantinople à Chalcédoine et réciproquement pour tenir Eugraphia au courant des débats et par elle l'impératrice. Eugraphia profita de cette occasion pour que Eugénius parût en personne devant l'impératrice et lui donna lui-même les nouvelles qu'il apportait de l'assemblée de Chalcédoine. Sans cette circonstance, jamais Eudoxia n'aurait accordé cette faveur à Eugénius. Mais en ce moment elle perdit de vue le prêtre, traître à ses devoirs, pour ne voir en lui qu'un messager sûr et fidèle. Quant à lui, il n'envisageait dans cette occurrence heureuse et inattendue que la possibilité de rencontrer Gunhild, bien que Graphia lui eût rappelé que l'impératrice voulait que le passé fût enseveli et qu'elle n'avait consenti à l'oublier qu'à cette seule condition. Gunhild se trouvait justement à côté de l'impératrice quand Eugénius fut annoncé et entra. Se sentant comme poussé par l'instinct de la fidélité dans son âme sincère et pure, et comme si elle devait préserver l'impératrice d'un grand danger, Gunhild se leva du siège qu'elle occupait au pied de Doxia et se plaça entre elle et Eugénius. L'impératrice sourit froidement. « Gunhild, vous devez vous éloigner, » dit-elle, « je veux être seule. » Gunhild obéit. Il lui sembla que Doxia lui enfonçait un poignard dans le cœur. Elle avait toujours voulu croire que les intrigues et les machinations dirigées contre Chrysostome n'avaient pas leur point d'appui dans l'inimitié de l'impératrice et n'avaient pas puisé à cette source leur force et leur développement. Mais voyant que l'impératrice en était arrivée à accorder sa faveur à Eugénius, à concerter avec lui les mesures que l'assemblée du chêne avait à prendre contre Chrysostome, Gunhild était obligée de reconnaître que Doxia était, sinon la tête, au moins le fondement et le soutien du complot. Gunhild aimait l'impératrice qui, avant comme après la trahison de Gainas, avait été pour elle une amie généreuse, une protectrice animée des sentiments maternels. Elle lui avait la plus grande reconnaissance pour les égards et la patience que Doxia lui avait toujours montrés, malgré son caractère difficile et souvent revêche. Elle admirait les rares qualités dont la nature avait doté l'impératrice et attendait du temps leur parfait développement. Toutes ces fausses appréciations, tous ces faux pas, toutes ces fautes, Gunhild les attribuait jusqu'à présent à la position fausse de l'impératrice devant l'empereur d'une part, et d'autre part, à la funeste influence d'un entourage agité par mille passions. Mais si Eudoxia en était venue au point de s'allier pratiquement et activement avec un Eugénius contre Chrysostome, avec la bassesse contre la noblesse, alors aucune illusion n'était plus possible. Le pouvoir impérial, qui avait reçu la haute mission de protéger l'Église de Dieu, s'employait à lui faire le tort le plus grave. Où ces manœuvres devaient-elles conduire? Comment cela finirait-il? Quel malheur devait fondre criminellement sur l'Église? Quand l'impératrice eut appris d'Eugénius le refus de Chrysostome de comparaître devant l'assemblée du chêne, et eut conféré avec lui sur tout le reste, elle le congédia avec beaucoup de bienveillance. Eugénius, ivre de joie d'avoir enfin revu Gunhild, retourna en toute hâte à Chalcédoine. Pendant que la barque qui le portait était balancée sur les douze vagues du Bosphore, son cœur se berçait de nouvelles espérances fondées sur la bienveillance de l'impératrice, qu'il voulait mériter sans réserve. Avec sa faveur, il lui était encore possible d'obtenir Gunhild, et un pari pris était digne de tout effort. L'impératrice fit rappeler Gunhild. « Cela me fait peine, » dit-elle avec une légère teinte d'embarras, « que vous ayez rencontré ici Eugénius. » « À moi aussi, mais pas pour moi-même, » répondit Gunhild en s'agenouillant devant l'impératrice. Eudoxia se leva à demi sur sa chaise longue et regarda Gunhild d'un œil sévère. « Vous n'êtes pas encore baptisé, » lui dit-elle. « Et déjà, à la hardiesse de votre langue, on me reconnaît pour disciple de Chrysostome. »« Par le désir, je suis baptisé, » répondit Gunhild, « et par conséquent, je suis avant tout une enfant de l'Église. » »« Comme enfant de l'Église, vous devriez, avant tout, être humble, » répondit Eudoxia. « Vous avez parfaitement raison. Et je vous supplie de croire que ce n'est pas un orgueil arrogant, mais un profond sentiment de douleur qui m'a arraché ce mot. » Vous êtes toujours un peu exagéré dans votre manière de voir, dit l'impératrice d'un ton plus doux. L'enfant de l'Église reste calme en présence d'un changement extérieur dans son administration. Certainement, pour que la divine providence le dispose. Ou le permette, ajouta Eudoxia. L'impératrice sait qu'il y a une différence énorme entre l'un et l'autre, dit Gunhild. La providence divine permet que l'ivraie croisse au milieu du bon grain. Mais elle ne demande pas que nous prissions l'ivraie autant que le froment, et encore moins que nous arrachions le froment pour le plus grand bénéfice de l'ivraie. Il me semble qu'on s'efforce en ce moment de favoriser l'ivraie dans l'Église, et cela ne peut que remplir ses enfants d'un chagrin indicible. C'est dans l'éternité que le Seigneur jugera et séparera l'ivraie et le bon grain, dit l'impératrice. Dans le temps, nous devons agir selon notre conscience pour choisir entre l'un et l'autre. « Puissante impératrice !» s'écria Gunhild. « Quand le patriarche Chrysostome et le prêtre Eugénius se trouvent dans deux camps ennemis, la conscience peut-elle hésiter et ignorer de quel côté elle doit se tenir ?»« Vous n'êtes pas conséquente, Gunhild, » dit ironiquement Eudoxia. « Vous avez passé à l'église à laquelle Eugénius appartient ?»« Oui, malgré, mais non, à cause qui lui appartient. Si depuis 400 ans, l'ivraie se met à pleine main, n'a pu réussir à étouffer les saintes maximes et la vie des saints. C'est une preuve que l'Église est la véritable Église. Voilà comme j'ai pensé. Aussi, une armée entière de gens comme Eugénius ne me détournerait pas d'entrer dans l'Église, car il ne s'y trouve que comme l'ivraie. Voyez, vous êtes bien la vraie sectatrice d'un maître zélateur, fit Eudoxia en colère. Comme lui, vous avez déjà la bouche les grands mots de réprobation et de damnation. Pardonnez-moi, répondit Gunhild tranquillement. Je sais que cette comparaison, comme je l'ai présentée, est imparfaite. L'homme n'est pas une plante sans volonté. Il peut se convertir, et des milliers se sont convertis. Pourquoi pas aussi Eugénius? Et je sais aussi que mon maître n'est pas un zélateur, mais bien le disciple ardent de ce divin maître, qui par amour pour nous, pauvres pécheurs, a voulu mourir, et qui cependant menace les méchants de la damnation éternelle. Je me réjouis, Gunhild, dit Eudoxia, de voir que les maximes chrétiennes ont pénétré profondément dans votre âme droite et sincère. Cependant, gardez-vous d'attribuer trop d'importance aux événements extérieurs qui concernent l'Église. il ne touche pas à sa constitution intime. Ma noble souveraine, je n'ose pas vous contredire, mais le divin maître le fait lui-même, car il dit que seul le bon pasteur défend son troupeau contre les loups, pendant que le mercenaire prend la fuite. Il y a aussi des événements extérieurs contre lesquels il faut se mettre en garde, parce qu'on ne sait pas si leur influence ne sera pas nuisible à l'essence même de l'Église. Voyez Eugénius, qui voulait se faire arien pour plaire à une fille arienne. Figurez-vous cet homme occupant un siège épiscopal. Serait-il en état de défendre l'Évangile, qu'il voulait lui-même trahir ignominieusement, de le défendre victorieusement contre les sectaires, contre les païens, contre les juifs, contre les empiétements du pouvoir impérial? Certainement non. Il faut donc attacher la plus sérieuse importance à un événement aussi malheureux et chercher à le prévenir surtout aux pieuses et puissantes impératrices alors que le siège patriarchal de Constantinople serait menacé d'une pareille calamité. Gunhild éleva ses mains suppliantes vers Eudoxia, qui la regarda avec un mélange de colère et de compassion. Vous avez des intentions nobles, dit l'impératrice après un moment de silence, et c'est pour cela que je pardonne à votre témérité d'oser donner à l'impératrice d'Orient des avis qu'elle ne vous demande pas. Soyez convaincu qu'elle n'en a aucunement besoin. Quant à l'occupation du siège patriarchal de Constantinople, ce sont les vénérables évêques rassemblés en concile à Chalcédoine qui auront à décider cette question. Comme l'impératrice ne se permet sur ce point ni de juger ni d'agir, j'espère que vous suivrez son exemple pour ce qui est du jugement. Oh, que n'agissez-vous plus tôt, noble impératrice, s'écria Gunhild d'un ton suppliant. Que n'agissez-vous comme il convient à votre grande âme, à votre esprit élevé? Gunhild me flatte pour me gagner, dit Eudoxia d'un ton de reproche. Non, ma noble souveraine, elle vous rappelle les qualités que Dieu vous a données pour que vous étendiez son royaume et fassiez honorer son saint nom. Vous le pouvez, si vous voulez rester fidèle à ses grandes qualités, fidèle à Dieu et libre de toute influence humaine. Poursuivre vos inspirations, n'est-ce pas? Fit Eudoxia d'un ton acerbe. Je serai la dernière à nourrir cette pensée, répondit Gunhild avec calme. Vous êtes dans toute l'ardeur de votre récente conversion. Vous brûlez du désir de recevoir le baptême. Vous soupirez parce que vous êtes obligé de maîtriser votre impatience jusqu'à la nuit du Saint-Jour de Pâques. Dans cet état d'aspiration et d'attente, votre esprit est surexcité et vous êtes, tout naturellement, porté à voir l'Église parfaite et couleur de rose. Ce sont les jours du premier amour, l'amour d'un cœur vierge, qui juge tout d'après ce qu'il sent et qui blâme tout ce qu'il n'éprouve pas. Plus tard, les temps changent. Alors, la raison réclame ses droits. Alors, l'expérience du monde nous fait protester contre ceci et cela. Ce moment viendra pour vous aussi, et alors, vous me comprendrez mieux que maintenant. Reconnaissez combien je vous suis attaché, en voyant que je vous garde parmi les personnes de mon entourage intime, malgré votre hardiesse téméraire. Je la mets sur le compte de votre naturel, qui se ressent de votre origine gothique. Elle congédia Gunhild pour vaquer à d'autres affaires qui réclamaient ses soins. Gunhild soupira dans son cœur. « Seigneur, ne permettez pas que je me détache jamais de mon premier amour. »